Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le directeur de la prison de Routana ainsi qu'un brigadier de police sont locataires de la prison de Bururi depuis hier. Ils sont poursuivis pour, dit-on, avoir facilité l'évasion de deux détenus partis avec deux policiers. Et une dizaine de vaches, pour la plupart des veaux, sont déjà mortes de télériose en commune Moukike de la province Bujumbura depuis le mois de janvier. Nyarumanga, c'est la colline la plus touchée par cette maladie. Et les automobilistes demandent la prolongation du délai d'acquisition du permis de conduire biométrique. Ils expliquent qu'il est devenu difficile ces derniers temps de trouver l'argent nécessaire pour cela. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le directeur de la prison de Routana ainsi que le chargé de la police pénitentiaire sur place sont dans la main du parquet près la cour d'appel de Bururi depuis l'après-midi de ce lundi. Le directeur Jonas Mbonima et le brigadier Eugène Wizindavi, qui étaient de garde, sont accusés d'avoir facilité l'évasion de deux détenus jeudi dernier. Des détenus partis avec deux policiers gardes de corps. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Jonas Mbonima, de même que brigadier Eugène Nzeimana, qui était respectivement directeur et responsable de la police pénitentiaire à la prison centrale de Routana, jusqu'à l'après-midi de ce lundi, ont été arrêtés à Routana l'après-midi de ce lundi. Le procureur général, près la cour d'appel de Bururi, a procédé à cette arrestation et les a immédiatement conduits à la prison centrale de Bururi où ils sont arrivés au-delà de 20h de ce lundi. Le parquet général, près la cour d'appel de Bururi, les accuse d'avoir facilité l'évasion de Nzeimana Charles et Baisingize Kenny jeudi dernier. Selon l'article 485 du code pénal, des détenus partis avec deux policiers qui les escortaient vers l'hôpital de Routana pour des soins. Depuis lors, l'on est sans nouvelle de Nzeimana Charles qui avait écopé d'une peine à perpétuité pour rébellion et outrage aux autorités, de Baisingize Kenny qui avait écopé d'une peine de 20 ans de servitude pénale pour participation aux bandes armées et des deux policiers. Des informations obtenues du parquet général près la cour d'appel de Bururi indiquent que c'est la deuxième évasion depuis 5 mois que Jonas Mbonima dirigeait cette maison pénitentiaire. Après avoir occupé le poste de premier substitut du procureur au parquet de Bururi. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, précisant que le porte-parole de la police confirme que le directeur sortant de la prison de Routana, aujourd'hui écroué, a déjà été remplacé. Deux personnes qui avaient été enlevées hier sur le sol congolais sont rentrées dans leur ménage. Selon le porte-parole de la police, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les trois autres, dont un prêtre de la paroisse Gatumba, enlevé lors de l'attaque d'un bus qui se rendait à Gatumba. Toujours au chapitre sécurité, le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, fait savoir que vers 23h30 hier, un minibus de la Brarudi au mouvement suspect a été filé, stoppé et fouillé. Il fait savoir que 8 cartouches de AK-47 ont été découvertes dans ce véhicule. Le chauffeur a été arrêté, le minibus est saisi pour des raisons d'enquête. Et je vous l'avais dit dans les titres, 19 vaches ont déjà péri suite à la télériose en commune Moukike de la province de Bujumbura depuis le mois de janvier de cette année. La majorité sont des veaux et la colline est la plus touchée est Nyarumanga. Les éleveurs font recours au traitement traditionnel. Et Leonidas Sebanchayeko, vétérinaire communal, conseille aux éleveurs de recourir au traitement moderne et de faire pulvériser leurs bêtes pour la prévention. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le manque de moyens financiers pousse certains conducteurs à ne pas se procurer du permis de conduire biométrique. Cela est dit par quelques-uns de ces conducteurs de la ville de Bujumbura qui demandent que la période d'acquisition de ce permis soit prolongée pour mieux se préparer. C'est un reportage d'Alida Naïkez. Ces conducteurs de véhicules de la ville de Bujumbura disent que le retard qui s'observe pour l'acquisition des permis biométriques est souvent dû au manque de moyens financiers. La durée qu'on nous a donnée est très réduite. Quelqu'un peut passer même 6 mois sans avoir 50 ou même 20 000 francs dans sa poche. D'où va-t-on tirer ces 100 000 francs? Allez voir, même si tu les trouves, tu peux rentrer plusieurs fois sans être servi. C'est tout un monde là-bas. À part celui-là, il y a d'autres conducteurs qui disent que c'est leur est difficile d'avoir les permis biométriques parce qu'ils ont perdu les anciens permis. Par exemple, pour nous qui avons perdu nos anciens permis, ils nous donnaient l'attestation de perte pour montrer à la place du permis. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas nous la donner même si nous avons l'argent pour payer le nouveau permis. Ils nous disent d'attendre, mais nous ne savons pas quand on aura la permission d'avoir les permis biométriques. Par exemple, moi, la police ne m'a pas encore arrêté. Je travaille au noir, mais il y a un risque d'être emprisonné. Je ne l'ai pas encore acheté et cela est causé par le manque de moyens quand il n'y a pas d'occupation pour trouver cet argent et cela nous semble un peu difficile. Par exemple, moi je cours pour trouver ça 40 000 car je l'avais perdu et d'ailleurs j'avais trouvé cet argent et quand je suis allé pour payer, ils m'ont dit qu'ils devraient commencer par ceux qui ont le permis. Et le malheur a fait qu'un membre de ma famille tombe malade. Je dois encore utiliser cet argent. Aujourd'hui je n'ai aucune somme. Nous demandons qu'ils puissent nous ajouter une autre période envie de pouvoir chercher cet argent car nous n'avons aucun autre métier si ce n'est que ça. La date butoir pour l'acquisition de ces permis biométriques est fixée au 3 mai de cette année. Alida Ndaïkeza, un certain Jérémy Ndaïzeye a été appréhendé la semaine dernière chez lui en train de soigner des gens. Il est poursuivi pour vente illicite de médicaments dans la province sanitaire de Karoussi. La police indique que plus de 20 sortes de médicaments et d'autres effets médicaux ont été saisis chez lui. Les détails, c'est dans cette correspondance de Blaise Pascal Kararoumi. Jérémy Ndaïzeye a été appréhendé le 12 avril 2017 en train de soigner chez lui à la maison à Nyavitere, au chef-lieu de la commune de la province Karoussi, mais aussi en train de vendre des médicaments chez lui. Il a été appréhendé avec une vingtaine de sortes de médicaments sous forme de comprimés, des médicaments sous forme de solvants, des seringues, des aiguilles et autres matériels comme l'indique la police de Karoussi, qui signale aussi le matériel d'injection comme celui d'injection pour soigner l'asthme. Cet homme venait de passer une seule année à la maison après être emprisonné à la prison centrale de Mbimba de la mairie de Bujumbura depuis la fin de l'année 2014 jusqu'à la fin de l'année 2015. Après une année qu'il est sorti de cette prison, l'administration sur place pensait que cet homme n'aurait pas encore fait l'usurpation des fonctions publiques. La police indique que le dossier est déjà en main du procureur de la République de Karoussi et que d'ici peu, cet homme sera traduit devant la justice pour être puni selon la loi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumi pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Depuis Karoussi, on revient à Bujumbura pour vous dire que l'avenue de l'Allemagne qui passe par la partie nord de l'ancien marché central de Bujumbura est jonchée en partie par un tas d'immondices. Celui-ci dégage des odeurs nauséabondes qui gênent ceux qui exercent leurs activités sur cette avenue. Et si rien n'est fait, ils disent que les maladies des mains sales pourraient les attaquer. Ils demandent au service de la mairie chargé de l'hygiène de se pencher sur cette question. Oba Nyonkuru. Un de ceux qui exerce ses activités à la partie nord de l'ancien marché de la ville de Bujumbura déplore un tel tas d'ordures au centre-ville de Bujumbura. Ce tas se trouve au milieu de l'avenue de l'Allemagne qui va vers le parking des bus et du site de la capitale. De part et d'autre, il y a des vendeuses de fruits. Celui-ci travaille dans une boucherie. Son business va tant bien que mal. Il dit que ses clients ne s'y rendent plus à cause des mauvaises odeurs senties à cet endroit. Ceux qui passent sur cet endroit sont gênés par ces odeurs nauséabondes. Sur ce tas d'immondices, parfois des enfants de la rue viennent pour ramasser le reste de nourriture comme les boîtes de conserve y jetées. Ces citadins demandent à la mairie de se pencher sur cette question. Ils disent que ces ordures proviennent de ceux qui travaillent dans le marché appelé grenier du Burundi. Ces derniers affirment qu'ils payent régulièrement leurs taxes, mais ne comprennent pas pourquoi ces ordures ne sont pas dégagées. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En Turquie, le président Tayyip Erdogan se sent plus fort que jamais après la victoire du oui au référendum constitutionnel qui lui donne plus de pouvoir. et il balaie les critiques étrangères. Au Mali, on parle de polémique autour d'une possible bavure dans la localité de Kona au centre. Léonce Witariho nous parle également du jugement attendu au Burkina Faso contre l'ex-président Blaise Compaoré ainsi que son dernier gouvernement. Au Mali d'abord, l'un des défis à relever pour le nouveau gouvernement reste la sécurité des biens et des personnes. Selon le site de RFI, il faut notamment réinstaurer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, comme à Kona, une localité du centre où des élus et des citoyens réclament aujourd'hui justice après ce qu'ils appellent une bavure à la suite de la mort par balle début avril de deux jeunes de la localité présentés comme de présumés djihadistes par l'armée. Un collectif qui réclame justice indique que les deux jeunes natifs de la localité de Kona revenaient du nord où ils avaient vendu des bœufs. Ils étaient donc supposés avoir une forte somme d'argent en poche. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire fin octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Le gouvernement et Blaise Compaoré, en tant que ministre de la Défense, sont poursuivis par la Haute Cour de Justice pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants et pour 88 personnes blessées. Parallèlement à cette injustice institutionnelle, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Union Nationale, qui a été créé après la transition, a sur son bureau plus de 5000 dossiers de crimes à traiter datant de 2014, mais aussi des années 60 pour certains. 5065 dossiers en tout sont sur la table pour une période de 5 ans. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est plus que jamais renforcé après la courte victoire du oui au référendum constitutionnel, lui attribuant davantage de pouvoir. Il a paradé hier lundi devant ses partisans dans les rues de la capitale Istanbul, profitant aussi de ce moment de gloire pour tacler les observateurs étrangers critiques sur le scrutin qui a eu lieu dimanche. C'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.